Chapitre 11e, seul. Lorsque Victorine s'éveilla le lendemain, le soleil entrait joyeux par la fenêtre. Dans les feuilles du marronnier, les oiseaux chantaient. « Maman, dit-elle, habille-moi vite pour que j'aille au jardin. »« Le jardin n'est pas à nous, mon enfant. Tu ne peux pas y aller. Nous sommes pauvres, et être pauvre, c'est être privé de tout ce qu'on désire. » Par de douces paroles, elle tâcha de lui faire oublier cette idée. « Si tu veux te promener, attends un peu, nous irons acheter notre déjeuner. » Elles descendirent bientôt. « Ah ! » dit Victorine, lorsqu'elles furent dans la rue, « c'est bien laid ici. » Et de fait, la rue où elles marchaient était d'autant plus froide et plus triste qu'au soleil brillait un beau soleil. Mais ses rayons ne descendaient point jusque dans la rue étroite et sombre, d'où montait une humidité douceâtre. En choisissant ce quartier populeux, Armande savait qu'il n'était point beau, mais elle avait eu ses raisons, se perdre dans cette fourmilière où l'on ne viendrait point la chercher, et en même temps être près du temple où elle pourrait tirer parti de son travail. Car n'ayant plus l'habileté de sa jeunesse, elle ne comptait pas vendre tout d'abord ses fleurs aux grands marchands de la rue Saint-Denis et du Caire. Les occupations de l'emménagement amusèrent Victorine dans leur nouveauté, mais bientôt elle s'ennuya. Elle avait toujours eu de l'espace, toute la maison ouverte, le petit jardin, et lorsqu'elle était fatiguée d'y tournoyer, les Tuileries où on la conduisait. Armande avait heureusement porté quelques joujoux, puis, quand elle vit qu'elle commençait à s'enlacer, elle recourut au grand moyen qui n'avait jamais manqué son effet, un conte. « Il était une fois, dit-elle, un bûcheron qui faisait pleurer sa femme. « Comme papa ? » interrompit Victorine. « Non, pas ce conte-là, un autre où on ne pleure pas. Où il y a des oiseaux et des princesses dans un beau jardin, avec des arbres d'or. » Insensiblement, l'enfant s'habitua à cette vie si différente de l'ancienne. Au bout de quelques jours, elle trouva même que c'était une récréation de s'asseoir auprès de sa mère, et sous les caresses de son regard, de tourner dans ses petits doigts les fils de laiton entourés de ouates et de papier avec lesquels se font les queues des fleurs. Pendant une heure après leur dîner, elles allaient au square du temple, et dans les allées sablées, Victorine, poussant devant elle son cerceau, développait ses jambes engourdies. Lorsqu'Armande eut une suffisante quantité de fleurs de fête, elle alla les vendre. Les déboursés prélevés, elle eut 10 francs de bénéfice, c'est-à-dire à peu près 1 franc 50 centimes par journée de 12 heures. Or, jusqu'à présent, pour sa nourriture et celle de Victorine, la lumière, le feu de la chaufferette dans lequel on met les fers à gaufrer, elle avait dépensé 1 franc 40 centimes par jour, c'était donc 10 centimes qui lui restaient, c'est-à-dire 36 francs 50 centimes par an, pour payer son loyer qui était de 200, son blanchissage, son entretien et celui de sa fille, le feu et la lumière quand viendrait l'hiver. Elle ne se laissa pas décourager. Elle deviendrait plus habile. Et elle arriverait bien sans doute à gagner 3 francs. Sur le même palier habitait un ménage d'ouvriers. Les portes des deux logements étaient face à face, et souvent, en passant, Victorine avait aperçu sur le seuil une petite fille de 3 ou 4 ans. Entre les deux enfants, la connaissance eût vite été faite si on les eût laissés libres. Mais Armande avait vu dans la cour et les escaliers les autres enfants de la maison, et elle veillait sur sa fille. Ces enfants, que les écoles ou les asiles jetaient dans la rue 2 ou 3 heures avant que les parents ne rentrassent de leur travail, étaient là pêle-mêle, grands et petits, sans aucune surveillance, se corrompant l'un à l'autre, et ce qu'on entendait de leurs jeux et de leurs conversations donnait une terrible idée de cette corruption enfantine qui fait tant de mal dans les familles pauvres, et qu'on pourrait amoindrir en tenant les écoles et les asiles ouverts jusqu'au soir. Peut-être cette petite fille, elle aussi, était-elle perdue. Ce fut pour Armande une crainte qui la tourmenta pendant les premières semaines. Mais peu à peu elle vit que l'enfant de ses voisins était gardé avec une sollicitude égale à celle qu'elle-même avait pour Victorine. Et ce que, par hasard, elle aperçut de l'intérieur de ceux-ci lui dit que s'ils n'étaient pas riches, ils étaient gens d'ordre et de propreté. Il y avait là de quoi la rassurer, et elle put se relâcher de sa surveillance. Comme tous les enfants, Victorine avait l'ostentation de la propriété. Lorsque sa mère commença de permettre que la porte d'entrée restât quelquefois ouverte, pour recevoir par là un peu d'air frais, elle alla s'établir dans l'embrasure avec tous ses joujoux. Elle était certaine de trouver sur le seuil opposé sa petite voisine. Alors les deux enfants, sans rien se dire, s'occupaient l'une de l'autre. C'était pour éblouir ses voisins que Victorine passait tous ses jouets en revue, et c'était pour Victorine que celle-ci faisait défiler les siens. Dans cette lutte d'amour-propre, Victorine l'emportait. Elle avait surtout une poupée habillée de velours et de satin, qui humiliait terriblement le pauvre petit bébé de dessous, vêtu de rognures de lingerie, que pouvait lui opposer sa rivale. C'était chose curieuse que ces deux enfants, en apparence indifférents l'un à l'autre, mais ne disant pas un mot, ne faisant pas un geste qui n'eussent une intention. Quand Victorine prenait sa belle poupée et la caressait, vite la petite prenait la sienne et la dodelinait. Par quel instinct et par quelle intuition les enfants arrivent-ils d'emblée là, où nous n'arrivons que lentement par les raisonnements du devoir et de la conscience? Victorine avait commencé par le défi. Lorsqu'elle vit sa victoire bien établie, elle fut prise d'intérêt. Un beau jour, elle traversa le corridor, qui jusque-là était resté une frontière vierge, et avec un geste de reine, « Tiens, » dit-elle en offrant sa poupée, « veux-tu changer ?» De cet acte de générosité, il résulta que les parents se parlèrent pour la première fois. La mère de la petite fille vint rapporter la poupée, qu'Armande, avec quelques mots aimables, refusa de prendre. Le soir, quand le mari fut rentré, il vint avec sa femme inviter sa nouvelle voisine à prendre le café pour le lendemain, qui était un dimanche. Armande était habituée à des manières un peu moins primitives, mais elle n'eut garde de refuser ce qui était offert de grand cœur. C'étaient d'excellentes gens. Le mari, qui se nommait Judor, était jeune. Ses traits irréguliers et flétris frappaient par une expression de vivacité et d'intelligence. La femme avait dû être jolie. Il lui restait de grands yeux d'un bleu de pervenche plein de douceur, et dans toute sa personne il y avait quelque chose d'éteint et d'opprimé qui inspirait une pitié sympathique pour ce qu'elle avait dû souffrir. La petite fille, qu'on nommait Jeanne, était charmante, comme cela arrive souvent chez les ouvriers dont les enfants ne se flétrissent que par la précocité du travail ou de la corruption. Leur histoire était simple, ils s'étaient aimés parce qu'ils étaient voisins, et ils s'étaient mariés parce qu'il leur était né une fille, car Judor, qui gagnait en moyenne 3 francs par jour dans son état de couleur de papier, avait longtemps hésité à se charger d'une femme. L'expérience lui avait prouvé qu'il n'avait jamais été si riche que depuis qu'il était 3 au lieu d'être 1. Les relations qui s'établirent eurent cela de bon pour Armande qu'elles l'attirèrent de la concentration où elle s'enfermait. Elle fut heureuse de rencontrer des visages souriants, d'entendre des paroles amicales. Elle fut moins seule, moins repliée sur elle-même et l'éternel objet de ses réflexions. Elles furent surtout précieuses pour Victorine, car quelque douce et attentive que soit une mère, il est mauvais que les enfants ne voient et n'entendent qu'elle seule. Cela excite trop fortement leur sensibilité ou leur intelligence et les vieillit trop vite. Ce qu'ils reçoivent de nous lorsqu'ils le reçoivent sans intervalle de repos est une nourriture trop forte pour leur faiblesse. L'enfant a besoin de l'enfant. Le corridor qui de l'escalier conduisait aux deux logements était vaste et sans porte s'ouvrant dans sa longueur. Judor obtint du concierge la permission de le fermer à l'extrémité, du côté de l'escalier, par une petite barrière, et les enfants eurent ainsi une sorte de salle de récréation où on put les laisser jouer en toute tranquillité. Comme beaucoup d'ouvriers parisiens, Judor était un grand lecteur de choses sérieuses, et en même temps, ce qui se voit souvent chez ceux qui ont besoin de sortir de leur triste vie par l'imagination, un lecteur de choses romanesques. Des livres qu'il achetait sur les quais dans la boîte à deux sous, il s'était formé une petite bibliothèque d'une centaine de volumes valant bien 10 francs chez un bouquiniste, pour lui valant toute la peine qu'il avait eue à la rassembler et le plaisir qu'elle lui donnait. Il l'a mis à la disposition d'Armande, qui souffrait peut-être plus de la privation des livres que de celle du luxe et de la bonne table. Elle aussi, dans ses heures d'insomnie, avait besoin de se transporter dans un monde idéal de consolation ou de rêve. 6 mois s'écoulèrent ainsi, et elle se rassura. Si sa tâche ne devait point être facile, elle serait au moins possible. Elle gagnait maintenant 2 francs, quelquefois 2 francs 25 centimes par jour. Elle avait auprès d'elle des natures honnêtes et bonnes. Victorine avait dans Jeanne une camarade. L'avenir se montrait plus ouvert qu'au premier jour. Il est vrai que son pauvre cœur était bien gonflé et bien triste, mais ce n'était point les satisfactions de son cœur qu'elle avait cherchées dans l'accomplissement de sa résolution. L'hiver avait amené la pluie et le froid, ses ennuis pour le riche, ses calamités pour le pauvre. La boue rendit le square impraticable, le froid et le corridor inhabitables. Victorine dut rester enfermée. Elle était déjà languissante en quittant Chaillot, elle s'affaiblit encore. Elle pâlit et ses yeux s'agrandirent en s'entourant d'un cercle bleuâtre. Comme elle ne se plaignait pas, sa mère fut quelque temps sans s'apercevoir de ces changements qui, s'accomplissant peu à peu chaque jour, ne devaient point la frapper. Mais bientôt la peau se tendit jaune et grenue sur ses pommettes, tout son petit corps maigrit et s'étiola. Une cause de ce dépérissement s'offrait toute naturelle et plausible, le changement de vie et surtout d'alimentation. Elle voulut que sa fille retrouvât les mets fortifiants qu'il avait élevés. Il lui faudrait plus de temps pour préparer cette nourriture. Il lui faudrait aussi plus d'argent. Elle espéra qu'en ajoutant 2 heures de plus à son travail, elle surmonterait ses difficultés. À la faiblesse générale s'était jointe la perte, ou plus justement la perversion de l'appétit. L'enfant n'avait faim que par caprice. Ce qu'elle demandait un jour arrivait trop tard lorsqu'on le lui donnait le lendemain. Avec son intuition de mère, Armand devinait souvent ses caprices, mais combien souvent aussi il lui était impossible de les satisfaire. On était en janvier, et ce n'était point pour une ouvrière que l'Algérie envoyait ses légumes et ses fruits de primeur, et cependant ses journées de travail étaient maintenant de 18 heures. Dans les métiers dangereux, les heures par lesquelles l'ouvrier augmente aussi sa tâche sont celles où arrivent presque tous les accidents, conséquence naturelle de la fatigue. Dans les métiers d'adresse, les heures de surcroît sont celles où l'adresse faiblit. Tout en travaillant plus longtemps, elle ne gagna pas sensiblement davantage. Le gain ne fut pas proportionné à l'effort, et encore ne fut-il pas net. Pendant 9 heures, de 4 heures du soir à 1 heure du matin, sa lampe restait allumée et l'huile coûtait cher. En peu de jours, les quelques économies qu'elle avait pu faire furent englouties. Jusqu'à ce moment, elle avait plus d'une fois douté de la légitimité de sa séparation. Bien souvent, elle avait senti s'appesantir sur elle la lourde responsabilité d'avoir enlevé Victorine à son père. Mais lorsqu'elle la vit malade, l'inquiétude et le remords furent étouffés sous l'indignation. C'était lui le coupable, lui qui l'avait jeté dans la misère, la maladie, la mort peut-être. Et de fait, Victorine allait toujours s'affaiblissant. Elle ne voulait plus changer de place, et lorsqu'elle était assise, elle ne pouvait plus se soulever, ses reins ne pouvaient plus la supporter. Un matin, elle refusa de quitter le lit. Armande n'hésita plus devant la honte qui jusqu'à ce jour l'avait empêchée de recourir à Carbonneau. Elle lui écrivit pour le prier de venir. Elle croyait bien savoir la vraie cause de la maladie de sa fille. Elle croyait bien aussi avoir appliqué le vrai remède, mais elle pouvait se tromper. Il n'était plus temps de chercher à éviter une humiliation à Maurice. Carbonneau, qui ne savait rien de ce qui s'était passé depuis quelques mois, fut étrangement surpris de retrouver la fille de son maître ouvrière dans une chambre sous les toits. Mais avant toute explication, il s'occupa de Victorine. Après l'avoir longuement examinée, l'avoir fait lever et marcher, « Quelle nourriture » dit-il. Elle répondit en racontant ce qu'elle avait fait. « Point d'appétit ? Non. Point d'exercice ?» Elle fit un signe négatif, attendant avec angoisse son jugement. « Ce n'est rien, » dit-il. « Avec quelques petits remèdes que je vais vous prescrire, elle se lèvera demain. Mais par-dessus tout, ce qu'il faut, ce que j'ordonne, c'est qu'elle se promène, qu'elle marche, qu'elle respire. » Je ne dis pas toujours, car je vois que vous travaillez, mais 2 ou 3 fois la semaine. Au retour de vos promenades à la campagne, car c'est seulement de la campagne qu'il peut être question, vous lui ferez manger de la viande crue. Dans 2 mois, elle sera aussi fraîche que le printemps qui verdira. Ces prescriptions données, il vint au sujet qui le préoccupait. Ainsi, dit-il, vous avez quitté votre mari? Pardonnez-moi cette demande, inspirée, vous le savez, par l'amitié. Vous travaillez? Que dirait notre pauvre ami s'il voyait sa fille privée de la fortune qu'il était heureux de lui amasser? Elle expliqua en quelques mots simples et dignes ce qui avait nécessité sa détermination. « Vous avez résolu vous-même, continua-t-il, le parti que je vous aurais conseillé. Votre mari était une nature séduisante en apparence, mais au fond de laquelle il n'y avait rien de solide sur quoi établir la vie de famille. On pouvait croire qu'il avait du cœur, mais combien en ai-je vu qui, avec beaucoup de cœur, n'était propre qu'à faire souffrir les autres. Et lui vous a bien fait souffrir. Je me souviendrai longtemps de la nuit passée auprès de vous, lors de l'attaque de croup de votre fille. Nous l'avons guérie alors, nous la guérirons encore, et bien plus facilement. À bientôt !» Ces paroles, en même temps qu'elles la rassurèrent, la jetèrent aussi dans une douloureuse perplexité. Comment aller à la campagne? Avec quoi? Comment sacrifier 2 jours de travail? Il y avait là une de ces impossibilités auxquelles les malheureux se heurtent si souvent, mais d'autant plus terrible pour elle qu'elle n'avait jamais pensé que la vie de sa fille dépendrait de quelques pièces de 5 francs. Un moyen, toujours le même, le seul possible, se présenta à son esprit pendant sa longue nuit d'insomnie, recourir à Martel. Ce moyen le repoussa toujours, et ce fut seulement lorsqu'elle crut avoir trouvé une combinaison pour recevoir l'argent sans voir celui qui le donnerait, qu'elle se décida à l'employer. Dès le petit matin, et avant tout, elle écrivit à Martel. « Mon ami, depuis que nous nous sommes quittés, j'ai pu accomplir assez facilement la tâche que je me suis imposée. mais ma fille n'a point supporté comme moi les habitudes sédentaires de notre vie occupée. Elle est souffrante. M. Carbonneau lui ordonne l'exercice à la campagne. Je m'adresse donc à vous pour nous venir en aide, et je vous demande un billet de 100 francs, que vous voudrez bien mettre sous enveloppe et m'adresser, poste restante, aux initiales A.M. Je vous écrirai dans quelques jours pour vous donner des nouvelles de la chère enfant. Croyez au sentiment d'amitié de votre bien reconnaissante Armande. Cette lettre, mise à la boîte de son quartier, elle crut le malheur conjuré. Elle savait quelle serait la réponse de Martel. Vers midi, elle entendit une voiture rapide s'arrêter dans la cour. C'était Carbonneau. Elle courut au-devant de lui, pleine d'espérance. Maintenant, elle pouvait exécuter ce qu'il ordonnerait. « Mon enfant, dit-il, en vous annonçant hier que je reviendrai, c'est à vous que je pense, et non à votre fille, qui n'a plus besoin que de grand air. Vous savez ce que M. Michon a été pour moi. C'est-à-dire que, si je suis quelque chose, c'est à lui que je le dois. Il a été le père de mon intelligence. Il a été mon vrai père. Par ses leçons et ses conseils, il m'a ouvert la science, par sa bourse, les examens. Cet argent, je ne le lui ai jamais rendu, parce que je l'aurais blessé en le lui proposant, et aussi parce que j'étais heureux de rester son obligé, non seulement de cœur, mais matériellement. Je dois donc toujours cet argent, et maintenant, je le dois à vous, qui êtes son héritière, comme c'est à vous que je dois tous mes soins et toute mon amitié. » Disant cela, il atteignit dans la poche de son gilet un petit rouleau cacheté qu'il posa sur la table. « Voici 1000 francs, reprit-il, c'est ce que j'ai trouvé ce matin dans mon tiroir. Demain, je tiendrai à votre disposition une somme de 10 000 francs. Puisque vous travaillez, pourquoi n'auriez-vous pas un magasin de fleurs? C'est, m'a-t-on dit, une excellente chose. Vous pourriez faire de beaux bénéfices. » Armande resta quelques instants sans répondre. Son regard, attaché sur celui de Carbonneau, parlait pour elle. Enfin, d'une voix émue, « Ne pensez pas, dit-elle, que je ne sente point toute la générosité de votre proposition, parce que je vous réponds qu'il m'est impossible de l'accepter dans son entier. Ces 1000 francs, elle mit la main sur le rouleau, je les prends avec reconnaissance. Pour la somme importante que vous voulez y ajouter, je vous prie de la garder. Travailler moi-même, je le puis, rien ne m'est plus facile. Faire travailler, acheter, vendre, diriger une maison, je ne le pourrai point. Et si je vous trouvais une maison toute montée, marchant bien, ou avec vos connaissances pratiques et votre mise de fonds, vous pourriez avoir une part d'intérêt. Pensez à ma position, dit-elle. Ici, je suis perdue dans la foule, si bien cachée que je n'existe pas. Que je cesse d'être simple ouvrière, je me livre au hasard. Plus je me rapproche du monde, plus augmentent mes chances d'être reconnue. Enfin, reprit Carbonneau en se levant, réfléchissez pour vous et votre fille. Quand je reviendrai, vous me direz votre décision. Quelle qu'elle soit, n'oubliez pas que j'ai entre les mains un dépôt qui vous appartient. En recevant la lettre d'Armande, Martel commença par y faire une longue réponse qui pouvait se résumer en cette simple question. « Pourquoi ne voulez-vous pas que je vous porte moi-même ce que vous me demandez ?» Puis, lorsqu'il eut bien lu et relu cette réponse, il la jeta dans son poêle et se contenta de glisser 4 billets de 100 francs dans une enveloppe qu'il adressa comme Armande le lui avait demandé. Son projet était d'aller attendre Armande à la poste restante. Elle était privée d'argent, elle ne tarderait pas à venir chercher la réponse. Le lendemain matin, avant 8 heures, il arriva donc rue Jean-Jacques Rousseau. Quand le bureau ouvrit, il entra et se mit dans un coin. Les employés étaient en place, derrière un vitrage, et d'une voix calme, avec des mouvements réguliers, il répondait aux voix émues qui les interrogeaient, aux mains empressées qu'on tendait vers eux. Des femmes hermétiquement voilées entraient rapides comme le vent, jetaient un nom à peine intelligible, saisissaient la lettre qu'on leur présentait et sortaient plus rapides encore qu'elles n'étaient entrées. D'autres, lorsqu'on leur répondait négativement, priaient l'employé de bien chercher et insistaient pour qu'il trouvât. Il y en avait qui, emportés par l'impatience, ouvraient leurs lettres dans le bureau. Il y en avait aussi qui la cachaient dans leur corsage et partaient les bras serrés. Des provinciaux et des étrangers, le passeport à la main, réclamaient leur correspondance. Sur des visages se lisait une joie parlante, sur d'autres l'étonnement ou le désespoir. Sans s'émouvoir, sans se presser, les employés continuaient leur besogne, attentifs à la demande, indifférents au ton et à la voix. Il y avait une demi-heure à peu près qu'il était là, lorsqu'il se trouva seul dans le bureau. L'attention d'un employé se porta sur lui. « Que voulez-vous? J'attends quelqu'un, » répondit Martel. « Le bureau est fait pour attendre les lettres, non les personnes. » Martel fut déconcerté. Il voulut répondre, il ne trouva rien. « Eh bien, » fit le même employé en le regardant. « Un mari jaloux, » dit une voix étouffée partant de derrière le vitrage. ou un amant. Voyant que tous les yeux se fixaient sur lui, il se décida à sortir, mais le plus lentement qu'il put. « Bravo, Richie !» dit une voix. « Le jaloux est attrapé. »« Richie est un chevalier français, » dit un autre employé qui se mit à fredonner, « en tout lieu protège les belles et de leur sexe ayant pitié. » Le capon, il va attendre dans la cour. La porte se referma. Il ne se trompait point, il allait attendre à la porte du bureau. Il s'y installa, n'ayant Dieu que pour la procession qui défilait devant lui. Ce n'était plus tout à fait le même monde. Les pressés étaient sans doute accourus eux-mêmes le matin. Maintenant passaient plusieurs commissionnaires. Lorsque quatre ou cinq vestes de velours bleu eurent défilé devant ses yeux, une idée à laquelle il n'avait point songé le frappa, si au lieu de venir elle envoyait un commissionnaire. Il fut sur le point de renoncer à son projet, mais après tout il y avait autant de chance pour qu'elle vînt que pour qu'elle envoyât. Il faisait un froid gris, et le vent, qui s'engouffrait dans les cours et sous les voûtes, soufflait dur et glacial. Deux ou trois fois il fut obligé de quitter sa place pour marcher un peu et se dégourdir les jambes. Mais il n'allait pas plus loin que la grande porte et revenait aussitôt. Les employés qui sortirent de la poste restante et qui le reconnurent lui rirent au nez. Un sergent de ville, après avoir curieusement tourné autour de lui, haussa les épaules et s'en alla le montrer du doigt à un de ses camarades. La position devenait difficile. Il n'avait pas prévu tous ces petits désagréments. Vers midi, il crut reconnaître sa lettre dans les mains d'une jeune ouvrière qui sortait du bureau. Elle regardait cette lettre sans l'ouvrir et la tenait de telle sorte qu'il n'en pouvait voir l'adresse. Tout surpris, il marcha au-devant d'elle. Au même instant, elle la glissa dans un panier qu'elle portait au bras. Armande avait-elle envoyé cette ouvrière? Dans ce cas, il n'y avait qu'à suivre celle-ci. Mais ne se trompait-il point? Courir après la jeune femme, c'était abandonner le certain pour l'incertain. Par le timbre de la lettre d'Armande, elle savait que celle-ci demeurait dans le quartier du Temple. Si la jeune ouvrière se dirigeait de ce côté, il y avait bien des chances pour qu'elle portât sa lettre. Elle continua la rue Jean-Jacques Rousseau jusqu'à la rue Montmartre. Il la suivit. Elle s'engagea dans la rue Mandard et coupa la rue Montorgueil. Les chances se dessinaient favorables. Lorsqu'elle arriva rue de Montmorency et entra dans une cour, il y entra aussi et monta l'escalier derrière elle. Au bout d'un long corridor, elle frappa à une porte. Il s'approcha vivement. Une voix répondit, la voix d'Armande. Sur les pas de la jeune ouvrière, il entra dans la chambre. « J'apporte moi-même la réponse, » dit-il. Le premier moment de surprise passé, et la jeune ouvrière, qui était Madame Judor, sortit, il raconta à Armande comment il était arrivé auprès d'elle. « J'avais besoin de voir Victorine, » dit-il d'un air un peu confus. « Il ne faut pas m'en vouloir. » Elle n'était pas elle-même bien libre. Il y eut entre eux un moment de gêne. Mais ils en avaient long à se dire, depuis tant de temps qu'ils ne s'étaient vus. Elle lui raconta ce qu'elle avait fait, comment elle avait travaillé, comment elle avait vécu, comment la maladie de Victorine était survenue. Elle dit aussi quelle était l'opinion de Carbonneau, quelles étaient ses prescriptions. « Eh bien, » fit-il, « rien n'est plus facile que d'aller à la campagne. Si vous voulez, je viendrai vous prendre demain. Victorine est encore faible, il vaut mieux que vous ayez quelqu'un avec vous. » Elle le remercia d'un ton si contraint qu'il sentit que cette proposition l'embarrassait. « Ne craignez pas d'être rencontré, » dit-il, « il n'est pas à Paris. »« Où est-il ? » s'écria-t-elle vivement, saisissant cette occasion qu'elle n'avait point osé provoquer. « En Allemagne. »« Heureux ? » ?»« Je ne sais pas. C'est très indirectement que j'ai eu de ces nouvelles. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que vous acceptiez. » Elle balbutia quelques paroles vagues. Ce n'était pas un refus, c'était encore moins une acceptation. « Dis donc oui, » fit Victorine, attentive seulement à cette proposition de promenade. Elle ne répondit pas. Alors il se leva, et allant vers la fenêtre, « N'est-il donc pas toujours sa femme ? » dit-il sans la regarder. « À demain, » fit-elle. « Voici ce que j'ai arrangé pour votre promenade, » dit Martel en arrivant le lendemain. « J'ai une voiture en bas qui nous mènera directement à Saint-Germain. Employer le chemin de fer n'est pas une partie de plaisir. » Et il faut aussi que nous puissions emporter des vêtements chauds pour envelopper Victorine si elle a froid. Or, les vêtements chauds sont lourds, et comme tels, désagréables à traîner toute une journée. À Saint-Germain, nous trouverons notre déjeuner servi, j'écris pour le commander. Ensuite, nous irons par la forêt jusqu'à maison. Victorine pourra marcher. S'il est fatigué, nous aurons la voiture qui nous suivra. De maison, nous reviendrons à Paris avant le froid de la nuit. Cela vous plaît-il ainsi ? Je n'aurais souhaité qu'un peu plus de simplicité, dit-elle. Vous nous traitez comme de grandes dames. Il y avait longtemps, presque un an, Carmen et sa fille n'avaient vu la campagne. Lorsque la voiture y dépassait la barrière et courut en pleine route, ce fut pour elle un émerveillement. Il avait gelé dans la nuit, et l'humidité de la veille s'était attachée en givre aux rameaux des arbres et aux herbes des champs. De temps en temps, de légers flocons précipités par leur propre pesanteur ou par l'aile d'un oiseau tombaient de branche en branche et blanchissaient la route. Le soleil commençait à briller, et les facettes cristallisées du givre que ses rayons frappaient directement scintillaient avec d'éblouissantes clartés. Sur la terre durcie, le sabot des chevaux résonnait. Ils allaient légèrement, secouant la tête, et poussant devant eux, dans l'air froid, de petits tourbillons de vapeur qui sortaient de leurs naseaux rougis. Victorine était joyeuse et animée, Armande doucement heureuse. La table était servie et le déjeuner prêt. Dans la cheminée flambait un bon feu. Le menu se composait de choses délicates qui devaient plaire à une femme et à un enfant. Victorine retrouva son bon appétit d'autrefois. Au temps passé, c'était une fête pour Armande que de dîner au restaurant. Martel le lui rappela. « Pour cela, dit-elle, je suis toujours enfant. Vous ne sauriez croire comme ça me semble bon de manger avec de l'argenterie. Bien que je ne sois pas gâtée par mon ordinaire, je jouis peut-être plus de ces verres de cristal, de ces couteaux en vermeil et de ces camélias, que des bons mets qu'on vient de nous servir. » Pour courir sur la terrasse, Victorine retrouva aussi ses bonnes jambes. Et pendant que la voiture les suivait par la route sous bois, elle fit rouler son cerceau tout à son aise. Sur ses joues, si pâle encore le matin, le sang se montra fluide et rose. Derrière elle marchaient Armande et Martel. Ils parlaient de leurs anciens amis, et de temps en temps ils s'arrêtaient pour regarder par-dessus la Seine et les bois du Vésinet l'admirable panorama qui se déroulait devant eux. Le soleil n'avait point eu assez de chaleur pour fondre les frimas, et toute la campagne, jusqu'à l'horizon fermé par les silhouettes noirâtres des monuments de Paris, était si brillante et si immaculée qu'elle semblait avoir été créée dans la nuit même. Ils remontèrent en voiture au bout de la terrasse. Lorsqu'ils sortirent du bois, Victorine s'était endormie. Insensiblement, Armande et Martel cessèrent de parler. L'un et l'autre, ils sentaient péniblement que cette journée allait finir, et ils sentaient aussi que les heures qu'ils venaient de passer ensemble planeraient sur toute leur vie lumineuse et sereine. La voiture, en rentrant dans Paris, les tira de leur recueillement. « Dois-je oublier votre adresse ?» demanda Martel lorsqu'il fut prêt à partir. À ce mot, le premier de la journée qui toucha aux difficultés de leur situation, elle leva les yeux sur lui, inquiète et troublée. Le regard qu'elle rencontra était droit et franc. « Venez quand vous voudrez, » dit-elle. Il y avait un mois qu'ils venaient régulièrement une fois par semaine, lorsqu'un soir il prononça un nom qu'ils avaient toujours évité. « Maurice est à Paris, » dit-il. « Vous n'avez pas voulu m'interroger depuis que je vous ai dit qu'il était en Allemagne ?» « Aujourd'hui, je crois de mon devoir de vous dire ce que je sais. »« Où est-il ? Que fait-il ? Je n'en sais rien. » »« Je l'ai aperçu tantôt flânant sur le boulevard des Italiens. »« Comment était-il ? Paraissait-il heureux ? » dit-elle après avoir attendu un moment que Martel reprit son récit. Il secoua la tête. Elle n'insista pas et se mit à gaufrer des pétales de coquelicot d'un mouvement saccadé qui trahissait son émotion. Martel, à son tour, attendit un moment qu'elle lui fît quelques questions, puis... voyant qu'elle se taisait. « Pourquoi ne me dites-vous pas que vous voudriez savoir le vrai de sa position ? N'est-ce pas tout naturel ? Demain ou après-demain, je viendrai vous faire part de ce que j'aurai appris. » Son intention n'était point de se livrer lui-même à cette enquête qui le mit en contact avec Maurice, ce qu'il tenait à éviter, mais de la faire faire par un de ses amis nommé Frabal. C'était un garçon de 40 ou 45 ans, auquel il n'avait manqué pour devenir un grand artiste que quelques billets de 1000 francs sont entrés dans la vie. Mais qui, poursuivi par les dettes qu'il avait dû fatalement semer derrière lui lorsqu'il avait été jeté presque enfant sur le pavé de Paris, avait lutté pendant 20 ans contre les créanciers, avait usé son énergie dans ses efforts stériles et tombé à la fin dans une servitude infime qui lui donnait à peine le pain quotidien, se laissait aller au courant de la vie, travaillant 12 heures par jour dans un bureau, flânant le soir dans les cafés qui lui tenaient lieu de foyer et de famille. En sortant de chez Armande, Martel alla à un café des boulevards où il était certain de le rencontrer. « Martel au café ? » dit Frabal. « Quelle soif te dévore !»« Tu dois quelquefois rencontrer Berthaud ?» dit Martel sans répondre à l'exclamation de son ami. « Berthaud, il sort d'ici. J'aurais belle à te dire. Pourquoi n'es-tu pas venu 10 minutes plus tôt ? Mais je ne fais pas cette charge-là, pas plus que celle du « je vous l'avais bien dit ». Comment est-il ? Encore un, mon pauvre vieux, qui commence à porter la livrée de la misère. mais la livrée honteuse de ceux qui s'en vont, et non la livrée honorable de ceux qui débutent. Encore un pour lequel les cafés remplacent amis, femmes ou enfants. Encore un qui a besoin de ne pas être seul dans une chambre plus ou moins mal garnie, et de trouver des oreilles complaisantes qui l'écoutent, des mains armées de plus ou moins de griffes qui serrent la sienne. On sait ce que ça vaut, cependant. Ça fait tout de même plaisir. Tu sais bien que Berthaud a une famille, des amis, une femme, un enfant, et que c'est sa faute s'il a perdu tout cela, y compris sa fortune. Tonnerre, dit Farval, si j'avais une femme, un enfant. Il passa sa main sur son large front, comme pour chasser cette idée importune, et il avala d'un trait la chope de bière qui était devant lui. « Que veux-tu prendre ? » dit-il. « De la bière. »« Tu ne vois donc plus Berthaud ? » reprit-il lorsqu'on les eut servis. « Non. Et j'ai besoin de savoir ce qu'il devient. Tu dois le rencontrer. »« Tous les soirs, depuis quelques semaines. Mais ce qu'il devient, je n'en sais rien, ou plutôt je ne le devine que trop. Il était là tout à l'heure, allant aux tables où il avait l'espérance qu'on lui offrirait une chope, attendant qu'on montât une partie pour la nuit dont on l'inviterait peut-être. » Mazuras, qui finit là-bas de souper, lui a proposé de partager sa tranche de jambon et de saucisson. Berthaud a refusé, non parce qu'il n'avait pas faim, son regard parlait et sa pâleur aussi, mais parce que quand on est resté quelque temps sans manger, la gorge se refuse à avaler du jambon ou du saucisson. Si Mazuras avait offert du pâté d'Italie ou des œufs sur le plat, sa proposition eût été acceptée, et encore mieux pour une bonne côtelette saignante. Berthaud n'a pas osé s'expliquer, son orgueil l'a fait refuser. « Ah, tu ne connais plus ça, toi qui deviens millionnaire et qui vends tes tableaux comme si tu étais mort. Mais nous autres, vieux routiers. » « Voilà, mon cher, ce qu'il devient. Par là, jette un regard sur le reste. En est-il venu jusque-là ? On va vite, une fois qu'on est sur la pente. C'est s'abonner comme le ber d'un navire qu'on lance. » Quand Berthaud a vu que rien de bon ne se préparait ici, il est allé à la brasserie voir s'il serait plus heureux. « C'est sur ton chemin, passe-y, tu es certain de l'y trouver. » « Si tu entends par hasard quelque chose sur son compte, » dit Martel, « fais-moi l'amitié de le retenir et de venir dîner avec moi. Quand tu le verras chercher un souper qui devra être aussi un déjeuner et un dîner, invite-le, j'en tiendrai compte. Seulement, ne parle pas de moi. » Comme Frabal l'avait dit, la brasserie était sur le chemin de Martel. Lorsque celui-ci fut arrivé devant la porte, il ralentit le pas. Les garçons, la serviette sur l'épaule, posaient les volets de la fermeture. Des groupes sortaient en titubant légèrement et en cherchant le trottoir du pied comme des aveugles. Des femmes, en ramassant leurs jupes, en gros plis sur le ventre, s'en allaient doucement, tournant la tête pour voir si on les suivait. La grande entrée fut fermée avec des bruits de ferraille et le gaz des becs extérieurs s'éteignit brusquement. Dans la devanture resta seulement ouverte une petite porte par laquelle on ne pouvait défiler que un à un. Martel, qui avait dépassé la brasserie, redescendit de quelques pas. Un dernier groupe de quatre jeunes gens sortit. Sur leurs talons, on poussa la petite porte. « Oui, mes enfants, » dit une voix, celle de Maurice. « L'art est une pyramide dont la base doit s'appuyer sur la réalité et la pointe se perdre dans le ciel. « Allons-nous au 17 ?» dit une autre voix légèrement épaissie. Le 17 était un petit café borgne situé tout près de là et qui avait l'inappréciable mérite de fermer un peu plus tard et d'offrir un abri ou à boire à ceux qui ne peuvent pas se décider à rentrer ou à ceux qui ont toujours soif. Bras dessous et deux par deux, ils se dirigèrent vers le 17 en agitant les questions les plus transcendantes. Martel les suivit. Puisque le hasard lui faisait rencontrer Maurice, il voulait savoir ce qu'il allait devenir, où il allait rentrer, si même il avait quelque part où rentrer. En relevant le collet de son par-dessus et en enfonçant son chapeau sur ses yeux, il avait bien peu de chance pour être reconnu. La station que les amis firent au 17 ne fut pas longue. Les règlements de police exigeaient la fermeture. Il les vit bientôt sortir. Mais avant la séparation définitive, il vit aussi que Maurice tirait à part un de ses compagnons. Ce que Maurice dit, il ne l'entendit point, mais il entendit la réponse. « Ah, sacristi, mon pauvre cher, je n'ai que quelques sous sur moi. » Ces quelques sous passèrent dans la main de Maurice. Alors ils se quittèrent, et tandis que les trois amis remontaient lentement la rue en discourant, Maurice la descendit rapidement. Martel régla son pas sur lui. À cette époque, il y avait sur le boulevard Montmartre un pâtissier bien connu des Noctambules, dont la boutique, qui a disparu aujourd'hui, restait ouverte assez tard dans la nuit. On y trouvait des potages conservés dans une arrière-salle. C'était là que courait Maurice. C'était pour se payer un potage qu'il avait emprunté quelques sous. Il resta assez longtemps chez le pâtissier, jusqu'au moment où on le renvoya. En sortant, il se dirigea vers la Madeleine. Toutes les maisons étaient sombres. Seuls les becs de gaz projetaient leur clarté vacillante sur l'asphalte des trottoirs. Quelques rares passants marchaient rapidement. La chaussée était déserte. C'était à peine si ça et là on apercevait les lumières rouges de quelques voitures attardées. Arrivé au boulevard des Italiens, Maurice s'arrêta indécis. Évidemment, il s'attendait à trouver quelques cafés ouverts encore. Alors il croisa son petit paletot sur sa poitrine et les mains dans les poches de son pantalon, il continua son chemin après avoir hésité s'il irait en avant ou s'il reviendrait en arrière. Une bise aigre et froide soufflait du nord et soulevait en petits tourbillons la poussière de la chaussée que les ombres encapuchonnées étaient en train de balayer. De temps en temps, par les rues qui ouvraient sur le boulevard, on apercevait, entre la ligne des maisons longues et noires formant le tube d'un gigantesque télescope, la lune, qui s'étant abaissée, éclairait le dessous des nuages, comme si sa lueur rouge montait de la terre et ne tombait pas du ciel. Maurice marchait au milieu du trottoir, martelait le long des maisons qui l'enveloppaient de leur ombre. Ils cheminèrent ainsi jusqu'à la place de la Concorde. Allait-il réellement de ce côté, ou bien ses gens prenaient-elles machinalement le chemin qu'ils suivaient autrefois, tous les soirs, pour rentrer à Chaillot? Il tourna à gauche. Il était venu chercher les arcades de la rue de Rivoli. C'était un abri où le vent était moins dur. Martel, décidé à l'accompagner, resta de beaucoup en arrière, car sous les galeries la lumière, réfléchie par les murailles blanches, était plus vive, et le bruit des pas résonnait. En se retournant, Maurice aurait pu le reconnaître. Mais celui-ci, ne s'imaginant guère qu'il était suivi, ne pensait point à regarder derrière lui. Il avait ralenti sa marche, ne l'allongeant que lorsqu'il voyait venir à lui des sergents de ville faisant leur ronde. Ils mirent bien trois quarts d'heure à gagner le Louvre. Maurice alors se dirigea vers la Seine. La lune était couchée. Les nuages s'étaient épaissis et formaient une voûte noire et basse sans une seule étoile. La bise soufflait plus froide, chassant quelques petits papillons de neige. « Où va-t-il ? » se demanda Martel. « Assurément, il n'a pas où coucher. Comment, avec son chétif paletot, peut-il supporter le froid ? Quand mon gros par-dessus ne m'empêche pas de trembler. » Les quais étaient absolument déserts, livrés en toute liberté aux rats, qui, des tas d'ordures où ils cherchaient leur maigre pitance, se sauvaient sur les trottoirs lorsqu'ils entendaient du bruit. Au loin, on voyait de chaque côté une longue file de lumière se rapetissant à perte de vue. Dans son lit de pierre, on entendait la rivière toute noire clapoter contre les bateaux s'engouffrer sous les ponts. Vers le Châtelet, un pâté de vieilles maisons était en démolition. Sur des espaces vides, embarrassés seulement de matériaux mis en tas, brûlaient de place en place de grands feux, éclairant de lueurs rouges des pans de murailles qui semblaient s'allonger et vaciller. Des gardiens, moitié morts de sommeil et de froid, sortaient de leur guérite pour jeter du bois dans les brasiers. Maurice s'approcha d'un de ces feux et présenta ses pieds à la flamme. Tout en causant d'un air dégagé avec le gardien, il s'accroupit pour recevoir en plein corps un peu de chaleur, mais un sergent de ville vint bientôt le déranger. Il reprit sa course. La neige tombait plus fort. Le vent chassait ses flocons serrés et les fouettait si rudement qu'il rasait la terre comme une poussière blanche pour les s'amonceler contre tout ce qui faisait obstacle. Depuis qu'ils avaient quitté la brasserie, il y avait longtemps qu'ils piétinaient. L'horloge du palais de justice sonna 3 heures. À grandes enjambées, il remonta le boulevard de Sébastopol. « Il va à la halle, » pensa Martel. Il ne se trompait point. Les carrioles, blanches de neige, commençaient à arriver de la campagne et à prendre rang dans les rues environnantes. Les gargotiers en plein vent, qui ont remplacé les restaurants et les débits autrefois ouverts toute la nuit, étaient à leur poste. Maurice passa au milieu de ce monde et entra sous les grandes travées. Les lumières y étaient trop vives, et la foule n'y était point encore assez compacte pour que Martel pût s'y aventurer sans crainte d'être reconnu. D'ailleurs, à quoi bon ? La vérité pour lui n'était maintenant que trop évidente. Il avait promis à Armand de lui dire ce qu'il apprendrait. Il lui raconta cette terrible course. Lorsqu'il en vint au moment où Maurice était accroupi devant le feu, elle ne put arrêter ses larmes. « Lui, si sensible, » s'écria-t-elle, « et cette nuit le froid sera encore plus dur. Rassurez-vous pour cette nuit. Je lui ai fait remettre quelque argent. Vous avez fait ce que vous pouviez, » dit-elle avec exaltation, « à moi de faire le reste. Et que voulez-vous ? Lui donner un abri ? Partager mon pain avec lui. Voilà bien ce que je redoutais. N'est-ce pas tout naturel ? N'est-ce pas mon devoir ? Avec tout autre, oui, peut-être. Avec lui, non. Ce n'est pas votre toit, votre table que vous allez lui apporter. C'est lui qui va vous apporter sa misère. Vous l'imposez à vous et à votre fille. Écoutez, je vous en conjure. Ma parole est aujourd'hui aussi franche de toute arrière-pensée qu'elle l'a toujours été. La tâche que vous voulez entreprendre est impossible. Il y a des hommes qui ont voulu se vouer à sauver des femmes déchues. Ils ont toujours échoué. Sauver Maurice est plus difficile encore. Il faudrait trouver quelque chose en lui de saint. Il n'y a plus rien. Que croyez-vous qu'il fasse aujourd'hui avec l'argent qui lui a été remis? Il a bien dîné. Il est dans un café, et avec ostentation, il paye à boire ce qu'il faisait hier l'aumône de l'invité. Un groupe l'entoure. Il raconte ce qu'il a voulu faire comme artiste. Il brille, il a de l'esprit. Il se croit un grand homme et méprise ceux qui réussissent. Il raille la détresse dans laquelle il sera demain. Il est le charlatan de la misère. Il dit qu'il avait une femme, un salon, et que maintenant il a les beaux troués, mais qu'il est libre. Voilà sa vie, celle dans laquelle il retombera toujours, qui pour vous est horrible, qui pour lui est pleine d'entraînement. Que voulez-vous que fasse le dévouement le plus héroïque? Ce que vous appelez dévouement pour moi est réparation. Si je ne l'avais pas abandonné, serait-il tombé si bas? Que ma faute soit petite ou grande, je veux l'expier. Qui sait si sa misère ne l'a pas purifié? Et s'il n'attend pas seulement un peu de repos pour commencer la vie? Après tout, ce n'est qu'une épreuve. Cette épreuve, c'est votre perte, c'est celle de votre enfant, c'est votre ruine, un travail acharné pour vous, des privations pour Victorine à peine rétablie. Votre travail ne pouvait pas nourrir deux personnes, il n'en nourrira pas trois. Lui-même ne pourra pas se contenter de votre vie si chétivement réglée. Écoutez la raison. Je ne puis écouter que mon devoir. Il se tut et ne reprit qu'après que quelques minutes se furent écoulées. J'ai parlé pour vous, laissez-moi dire un mot pour moi, je ne vous verrai plus. Eh bien, et moi ? S'écria-t-elle en cachant son visage entre ses mains. Il se leva et s'avança vers elle. Elle se leva en même temps et se reculant vivement. « Souvenez-vous » dit-elle. Il recula lentement, puis la regarda en face, d'un air résolu. « Que comptez-vous faire » dit-il. « Lui écrire. »« Eh bien, écrivez. Je porterai votre lettre pour qu'elle lui soit remise. C'est une folie, mais elle est sainte. J'en veux ma part. » Elle écrivit quelques mots, puis, sans qu'ils eussent échangé une seule parole, il partit. Si Maurice avait employé à quelque chose d'utile l'argent que Martel lui avait fait remettre par Farval, assurément ce n'avait point été à sa toilette. Lorsqu'il arriva chez sa femme, il avait le même costume que dans la nuit où Martel l'avait suivi, le même petit paletot noir avec des manches lustrées aux coudes pour avoir essuyé bien des tables de café, un pantalon gris clair déchiqueté au bas des jambes, un chapeau que la pluie et les coups avaient amolli comme un feutre, pas de linge visible, des souliers qui, par les fentes de l'empeigne, lançaient des jets noirs de neige fondue. « Un nid chaud, » dit-il en tendant la main à sa femme, « franchement, tu me l'offras tant. » Il s'assit près du feu. Depuis le matin, elle l'entretenait dans la cheminée, pensant bien qu'il en aurait grand besoin. Ses vêtements pleins d'humidité commencèrent à fumer. « Allons, Bichette, » dit-il à sa fille qui le regardait avec de grands yeux étonnés, « venez vite embrasser votre papa. » Elle lui sauta sur les genoux, lui jeta ses deux bras autour du cou et l'embrassa d'un gros baiser sonore. Il pencha la tête sur elle. Quand il la releva, il sembla à Armande que des larmes roulaient dans ses yeux. Combien elle le voyait changer. Ses tempes s'étaient dégarnies, ses cheveux étaient raides et secs, son regard avait une fixité dure, ses paupières rougies étaient plissées. Loin d'avoir maigri, il avait cette bouffissure luisante à l'aspect malsain qu'on rencontre chez beaucoup de buveurs. Ses mains tremblaient. « Ah ! » dit Victorine en circulant. « Tu sens l'anis? Tu bois donc de la tisane, pauvre papa? Moi aussi j'en bois, mais comme c'est mauvais !» Ce n'était pas l'anis qu'il sentait, ce n'était pas la tisane, c'était l'absinthe. « Voyons, » dit-il en se tournant vers Armande, « raconte-moi un peu comment tu as fait pour m'envoyer ta lettre. J'avoue que cela m'intrigue. Qui a pu te dire où me l'adresser? Martel. Tu le vois donc ?» Il prononça ces mots avec une certaine dureté et en la regardant en plein visage. Elle ne baissa point les yeux. « Il y a 6 semaines, répondit-elle, Victorine a été malade. Mon travail était insuffisant pour me fournir de quoi la soigner. Je me suis adressé à lui, je lui ai écrit, il est venu à mon aide. « Ah !» Et s'adressant à sa fille comme pour chasser les pensées qui lui venaient, « Tu as été malade, Titine ?»« Oui, d'avoir mangé trop souvent des pommes de terre. Ça encore qui est mauvais. Mais c'est Martel qui m'a payé de bonnes choses. » Armande voulut arrêter cette conversation, et quoiqu'il ne fût plus l'heure de déjeuner, et pas encore celle du dîner, elle lui demanda s'il voulait se mettre à table. « Merci. Pour le moment, ce n'est pas de manger que j'ai le plus besoin. » Il montra son costume. « Voilà avec quoi je suis revenu d'Allemagne, » continua-t-il. « Ça n'est ni chaud ni beau, comme tu vois. et cependant dans ce brillant de pays j'ai gagné plus de 200 000 francs. Par malheur, j'ai tout reperdu. Le reste, comme dit Bilboquet, a été pour mes créanciers. » Il parlait avec une ironie moitié gaie, moitié triste. « Après ton abandon, dit-il d'une voix émue, j'ai besoin de m'étourdir. » Elle fit un geste. « Ce n'est pas un reproche, poursuivit-il. Ne parlons ni l'un ni l'autre du passé. Ce qui est fait est fait. D'ailleurs, tu répares aujourd'hui le chagrin que tu m'as causé alors, si le chagrin peut se racheter toutefois. Mais là-dessus, hélas, tu peux parler aussi bien que moi. » Elle le conduisit dans un magasin d'habillement où il choisit les vêtements qui lui étaient nécessaires. On n'avait pas le temps d'en commander chez le tailleur. Il y avait une réelle urgence à ce qu'il abandonnât ceux qui le quittaient loc par loc. Elle lui acheta aussi du linge et des chaussures et le revinrent à la maison. Il voulut l'aider à préparer le dîner. Lui, autrefois si indifférent à toutes ces choses, il se fit empressé et complaisant. Volontiers, il fut resté longtemps les coudes sur la table, les pieds dans les cendres. Mais lorsque le dessert fut achevé, elle enleva la nappe. Elle avait à travailler. Au moment où il allait prendre la bouteille à l'eau-de-vie pour la serrer, il mit la main dessus et la posa sur la tablette de la cheminée à côté de son verre. Puis, tout en causant gaiement, il se versa de nombreux petits verres qu'il avala lentement en les sirotant. Vers 10 heures, Armande, effrayée de voir la bouteille qu'elle avait servie pleine, à moitié vide, parla de se coucher. « Voilà comment j'ai arrangé les choses, dit-elle. On est très bien dans la petite chambre pour dormir le matin sans être dérangé. C'est celle de Victorine. Elle abandonnera son lit et couchera avec moi. » « Ah, les bons draps blancs, dit-il, lorsqu'elle l'eut conduit dans cette petite chambre. » Avant qu'elle le quittât, il voulut la tirer dans ses bras. Elle se dégagea doucement et lui présenta la main. Il voulut la regarder, elle baissa les yeux sur Victorine. Alors, découvrant son lit d'un mouvement brusque, « Ma foi, dit-il, on est mieux là-dedans pour dormir qu'à la halle, appuyé contre des sacs de pommes de terre. » Elle avait pensé qu'il voudrait travailler. Le matin, elle lui prépara une petite table recouverte d'un châle et sur laquelle elle posa du papier, des plumes et de l'encre. Mais il ne se leva que pour déjeuner, et après qu'il se fut bien réconforté, il parla de toute autre chose. « Puisque Victorine a besoin de se promener, dit-il, je vais l'emmener au bois de Boulogne. En même temps, cela l'amusera de voir patiner. » Armande se mit à faire sa fille aussi belle que possible. Lorsqu'elle fut prête, « Est-ce qu'elle n'a pas un autre chapeau que ça ? » dit-il en la regardant. Sur la réponse négative que lui fit Armande, « S'il te reste encore quelques économies, continua-t-il, donne-moi donc ce qu'il faut pour que je lui achète en chemin une gentille coiffure. On ne peut pas la promener comme ça. » « J'ai mis 20 francs dans la poche du gilet, dit-elle. » Vivement, il glissa ses doigts dans la poche. « Tiens, c'est ma foi vrai. Voilà une bonne idée. Une intention pleine de cœur, » ajouta-t-il tendrement. « Titine, vous allez avoir un beau chapeau. » Elle ne fit point d'objection à cette parole, mais lorsqu'elle fut seule, elle réfléchit tristement. C'était donc là ce qu'avaient produit ces enseignements du malheur, dans lesquels elle avait mis sa seule confiance. Il n'était point guéri de sa passion de jeter l'argent au gré de son caprice, comme au temps où il ne lui coûtait rien. Et il avait une nouvelle passion plus terrible que toutes celles qu'il avait emportées autrefois, il aimait l'eau-de-vie. Les jours suivants, malgré le désir qu'elle en avait, elle n'osa point lui demander quelles étaient ses intentions pour l'avenir, duquel d'ailleurs il ne paraissait point se préoccuper. Tout au présent, il ne parlait jamais du lendemain. Il se levait pour déjeuner. Quand le temps était beau dans la journée, il emmenait Victorine. Mauvais, il s'en allait seul. Exact pour le dîner, il ne sortait point le soir. On eût dit que pour la première fois, il goûtait les douceurs du coin du feu. Il restait auprès de la table où travaillait Armande, affectueux avec elle, plus affectueux même quelquefois qu'elle ne l'eût voulu. Plein de gentillesse pour Victorine, aimable pour Madame Judor, poli pour le mari. Un jour qu'il était sorti seul, il rentra plus tôt qu'à l'ordinaire. « Tu m'as parlé de ton désir d'être agréable à tes voisins. J'ai pu aujourd'hui par hasard avoir 4 places pour le cirque. Veux-tu les leur donner ? Victorine ira avec eux. » Ce fut une fête pour les Judor, qui adoraient le théâtre et ne pouvaient que rarement se le payer. Ils emmenèrent Victorine. « Allons, » dit Maurice lorsqu'il fut seul avec sa femme. « Nous voici au coin du feu, en tête à tête, comme au premier mois de notre mariage. Que les temps sont changés, n'est-ce pas ? Hélas ! Le malheur, c'est que nos cœurs le sont aussi, le tien au moins, car le mien n'a jamais cessé d'être plein de tendresse pour toi, aujourd'hui autant qu'il y a 4 ans, sinon plus. » Elle leva les yeux sur lui et les rebaissa aussitôt, troublée de l'ardeur de son regard. « Il y a 4 ans, dit-il, Dans une soirée comme celle-ci, tu te serrais près de moi, nos têtes se touchaient et nous lisions dans le même livre. » Il approcha sa chaise de celle d'Armande. Celle-ci recula doucement la sienne. « J'ai hâte de travailler, » dit-elle. Elle poussa entre eux sous la table un morceau de papier découpé. D'un mouvement de bras, il l'écarta. « Est-ce qu'alors je ne t'ai jamais répondu que j'avais à travailler ? » dit-il. « Les temps sont changés. » « Et pourquoi ne changera-t-il pas de nouveau ? Pourquoi ne redeviendrait-il pas ce qu'ils ont été ?» Il voulut la prendre dans ses bras et l'approcher de lui. Elle se leva vivement. « Nous nous aimions, » dit-elle. « Eh bien, est-ce que je ne t'aime pas encore ? Ne suis-je pas encore ton mari ?» Elle avait jusqu'à ce moment répondu avec douceur. Mais effrayée du ton que prenait l'entretien, elle voulut l'arrêter de telle sorte que ni ce jour-là ni plus tard, il ne recommença point. « Ce n'est pas maintenant que je pourrais croire à cet amour, » dit-elle avec fermeté. « Et pourquoi, s'il te plaît ? Peut-être parce que je ne vous aime plus. » Je retenais cette parole. « N'accusez que vous, si elle m'échappe. »« Je n'accuserai, » s'écria-t-il avec emportement, « ni toi ni moi, mais celui qui m'a remplacé dans ton cœur, le lâche ami qui s'est insinué entre nous deux. Tu crois bien cet amour-là, sans doute ?» Elle ne répondit pas. « Eh bien, j'y crois, moi, car il a eu l'audace de me l'avouer en face. Que m'importe, il ne me l'a jamais dit à moi-même. Cherche d'autres à qui le faire croire. Pendant que je ne savais où tu étais caché, et si ma fille vivait encore, tu le recevais. Qui sait si tu ne m'as pas abandonné pour le voir plus librement ? En m'appelant il y a quelques jours auprès de toi, vous avez peut-être voulu me faire légitimer un enfant dont il est père ?» Elle s'avança vers lui, pâle, haletante, suffoquée d'indignation. « Je ne vous repousserai pas alors, » dit-elle. « Tu n'as maintenant ni à me repousser ni à m'attirer. Demain, j'aurai quitté cette maison où je n'ai jamais été appelé que par pitié et où je pourrai parler en maître. On me fait des propositions qui peuvent m'enrichir. Je les accepterai. Je pourrai alors reprendre ma fille. Je ne veux pas qu'elle grandisse entre vous. » Il sortit. Ses menaces étaient-elles sincères ? Quelles étaient ces propositions dont il parlait ? Elle eut tout le temps de rester livrée à son inquiétude, car ce fut seulement dans la nuit du lendemain qu'il rentra. Bien des fois, dans cette longue journée, elle regretta le mot décisif qu'elle avait prononcé, quelque vrai qu'il fût. Mais chaque fois, la raison vint lui dire qu'elle eût été méprisable de parler autrement, car ce n'était pas l'amour qui maintenant pouvait le sauver. Il était plus d'une heure du matin lorsqu'elle se coucha. Elle dormait depuis quelques instants lorsqu'on heurta à la porte. Pendant plusieurs minutes, elle entendit une clé qui cherchait la serrure. C'était lui. Sans un mot, il se dirigea tâtons vers la chambre. Quoiqu'elle ne l'eût pas vu, quoiqu'elle n'eût pas entendu la voix, elle comprit où il avait passé son temps. Dans la pièce qu'il n'avait fait que traverser était restée une odeur d'eau-de-vie et d'absinthe. Il sortit le lendemain, aussitôt après le déjeuner, et sans emmener Victorine. Il rentra pour dîner, repartit aussitôt qu'il eut fini, et ne revint que tard dans la nuit. Le lendemain encore, ce fut exactement la même chose, avec ces différences toutefois que pendant le repas, il parla à sa fille et à sa femme. Pendant un mois, ce fut tous les jours ainsi. Et chaque jour, Armande se demandait comment, par son travail, elle fournirait à cette vie dispendieuse. Elle était chef de famille maintenant. Aux soucis matériels du moment, plus lourds qu'ils ne l'avaient jamais été, s'ajoutaient les inquiétudes de l'avenir. L'argent de Carbonneau tirait à sa fin. Il restait, il est vrai, les 400 francs envoyés par Martel. Mais par un sentiment de délicatesse bien naturelle, elle ne voulait point que cette somme fût employée aux besoins de Maurice, aussi l'avait-elle soigneusement cachée. Il était revenu une fois sur les propositions qu'on lui faisait, et qui étaient une tournée à La Havane et aux États-Unis, comme accompagnateur de la Nicocera, mais il n'en parlait plus, elle n'osait pas l'interroger. Qu'attendait-il donc pour prendre un parti ? Que faisait-il ? Il ne disait rien. Et c'était parce qu'elle apprenait indirectement qu'elle pouvait suivre sa vie. Un jour, elle s'aperçut qu'il n'avait plus le paletot qu'il mettait d'ordinaire sous son pardessus. Une autre fois, elle ne put pas retrouver des bottes toutes neuves qu'elle venait de payer. Avec 1000 protestations d'amitié, Judor la prévint que désormais, il ne pourrait plus prêter d'argent à M. Berthaud, qui d'ailleurs reconnaissait mal ses petits services et se montrait pour Mme Judor tel que ne le méritait point une honnête femme. En même temps, le concierge l'avertit que si M. Berthaud continuait toutes les nuits à rentrer à 2 ou 3 heures, il faudrait quitter la maison. « Vous savez bien, ma chère dame, ajouta le brave homme, que je suis ouvrier, et que quand on a travaillé toute la journée, on a besoin de quelques heures de nuit pour dormir. C'est pas ici une maison de riche où les concierges dorment tout le long du jour. » Les sinistres prédictions de Martel se réalisaient. Cette vie était impossible à continuer. Mais comment la briser une fois encore? Que deviendrait-il? Que deviendrait-elle elle-même si elle s'obstinait à la continuer? Un jour qu'elle était sortie pour promener Victorine, car il ne la prenait plus jamais avec lui, elle fut surprise en rentrant de trouver un désordre qu'elle n'avait point laissé. Sans doute il était venu pendant qu'elle était absente. Elle alla dans la chambre qu'il habitait. Ses habits n'étaient point à la place où d'ordinaire il les accrochait, ni là, ni ailleurs. Elle eut un pressentiment et courut à sa commode. C'était là, entre du linge, qu'elle avait caché l'argent de Martel. Les tiroirs, toujours bien fermés, avaient été ouverts. Le linge était bousculé, déplié, les 4 billets de banque avaient disparu. Plus de doute, il avait réalisé la menace de partir pour toujours et il avait emporté l'argent. Elle fut accablée et pendant longtemps elle resta dans un état de stupeur. Le soir se fit. Victorine, qui jouait dans le corridor, rentra pour dîner. « J'ai faim, » dit-elle, « donne-moi à manger en attendant père. » Armande la prit convulsivement dans ses bras et d'une voix brisée. « Tu n'as plus de père, » dit-elle. L'enfant la regarda longtemps, cherchant à comprendre ses mots pour elle étranges, puisqu'elle avait vu son père le matin. Après 5 ou 6 minutes, elle approcha sa chaise de la table. « J'ai faim, » répéta-t-elle.